الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ثم أما بعد. Nous avons vu précédemment que Tariq Ramadan ignore le sens de la ilaha illallah et qu'il ne comprend pas le sens des types de monothéisme de seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, ainsi que celui d'adoration, Tawhid al-Ubudiyya ou al-Uluhiyya. Nous avons fait remarquer aussi sa méconnaissance de la réalité du shirk et nous avons montré ses amalgames et excès sur ce plan. Nous avons étudié aussi son appel à l'unité des religions, à la fraternité des religions et à la liberté des religions. Et nous avons relevé qu'il appelle à la liberté de croyance. Nous avons illustré tout cela par des extraits de ses paroles et nous renvoyons pour écouter plus d'échantillons de ses écarts manifestes et de ses injustices gravissimes, nous renvoyons au site de notre frère Abu Hamad Suleyman Al-Haïti Wafaqaullah qui lui consacra un dossier. Et l'adresse du site de notre frère est www.salafi.com. Et nous soulignons que dans beaucoup de ses égarements et bizarreries, il est sur les pas dérapants de son grand-père Hassan al-Banna, qui lui fit ainsi qu'aux autres Ikhwani égarés ce legs maudit, un legs de déviance et d'ignorance. Et Tariq Ramadan est parmi les chefs des Ikhwan les plus portés à préserver cet héritage immonde, l'héritage de Hassan al-Banna. Tariq Ramadan est harfi sur ce sujet, il est littéraliste, il préserve cet héritage donc d'une manière littéraliste, comme sont les autres Ikhwani purs et durs. En dépit des critiques magistrales des savants de la Sunna, ayant réfuté les égarements de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb, de Muhammad Qutb, de Abi Abdul-A'la al-Mawdoudi, de Muhammad al-Ghazali, de Yusuf al-Qaradawi, de Omar Tilimsani, de Hassan Turabi, de Rachid al-Ghannouchi et d'autres. Wallah al-Musta'an, en dépit des critiques magistrales des savants de la Sunna, Tariq Ramadan et les autres néo-ikhwani, les néo-ikhwani tels que Mohamed Bajrafil et Hassan Iqiyoussan, pour ne citer que quelques-uns qui portent l'étendard maintenant de propager l'idéologie ikhwani et de combattre la sunna et la salafia dans l'espace francophone, en dépit de toutes les critiques de Al-Banna et de son héritage, critiques montrant un fossé entre la tendance ikhwaniya et entre l'islam salafi dans sa pureté. En dépit de tout cela, ces néo-ikhwani demeurent harfiyin, littéralistes, fidèles à l'égarement de Hassan al-Banna. Ils n'osent pas confesser qu'ils s'étaient trompés sur beaucoup de points relevant de la croyance et de la méthodologie. Ils n'osent pas confesser cela et l'avouer courageusement et dire l'homme s'est trompé dans la croyance et dans la méthodologie, le mal, et qu'ils sont en train de le suivre même dans les erreurs. Ils sont harfiyin, littéralistes. Ils n'osent pas dire par exemple qu'ils se trompaient en instituant un hizb, un parti, une secte dans le corps de la Ummah. Ils n'osent pas dénoncer non plus qu'ils s'égaraient en acceptant dans ce hizb toutes les confessions et croyances, même qu'il avait des chrétiens comme conseillers dans son hizb et il avait aussi des rawafid comme membres. Ils n'osent pas non plus dénoncer ces ignorances du tawhid, mais encore faut-il qu'ils ne soient pas ignorants eux-mêmes. Ils n'osent pas dénoncer ces ignorances du tawhid et qu'ils ne désavouaient pas le shirk qui l'environnait. Le shirk est très répandu en Égypte et lui, il préférait aller et s'élancer dans une da'wa politique et politicienne. Il n'ose pas dénoncer ses égarements en appelant au rapprochement avec les chiites. Hassan al-Banna appelait au rapprochement avec les chiites, c'est-à-dire le rapprochement de l'islam sunnite avec une autre religion qui s'appelle le chiisme. Il n'ose pas dénoncer ses égarements en appelant au rapprochement avec les chiites et en appelant à l'unité, à la fraternité et à la liberté des religions. Il n'ose rien dénoncer de tout cela, de tout cet héritage, car ils sont harfi, littéralistes. Ils ne peuvent pas désavouer leur patriarche égaré, car la mentalité hizbi interdit de dire que le shir s'était trompé. La mentalité hizbi refuse ce genre de courage et ce genre de bravoure. La mentalité hizbi refuse que l'on dise le shir s'était trompé sur la croyance, s'était trompé sur la méthodologie. Surtout qu'on apprend que ce hizb, cette secte, ce parti, cette confrérie, ikhwani, a une dimension soufie, voire une exagération, un relou, un excès dans le soufisme. Or, le disciple, al-murid, est devant son shir, du vivant de celui-ci, comme après sa mort, le disciple est devant son shir, comme un mort, inerte, qui ne refuse rien, qui ne rejette rien, et c'est la mentalité harfi et littéraliste. Et de nos jours, après leur combat long, lâche et ignoble vis-à-vis de la sunna et de la salafia, après avoir repris le sobriquet de leurs confrères qobouri, leurs confrères tombolards, adorateurs des tombes, après avoir emprunté le sobriquet de Al-Wahhabiyya pour combattre la da'wa de Tawhid, après avoir inventé aussi l'étiquette de Al-Jamiyya pour combattre la da'wa à Al-Aqida et lui préférer leur quête du pouvoir, et après avoir inventé l'étiquette de Al-Madakhila ou de Al-Madkhaliya pour combattre la méthodologie salafi et lui privilégier leur idéologie hizbi réunissant laxisme et extrémisme, on s'aperçoit aujourd'hui que ces Ikhwani inventent une nouvelle étiquette pour relancer leur combat à leur combat essoufflé contre Manhaj al-Salaf Saleh, car ils sont en train de voir que la Salafia gagne du terrain, gagne beaucoup de terrain dans le monde entier, et maintenant ils veulent la combattre. Aujourd'hui, ces Ikhwani inventent une nouvelle étiquette pour relancer leur combat essoufflé de Manhaj al-Salaf Saleh, et cette étiquette nouvelle est de taxer les salafis d'être harfi, de taxer les salafis de al-harfiya, alors que ce sont eux qui sont harfi, ce sont eux qui sont harfi vis-à-vis d'un héritage de bid'ah, de al-bid'a, alors que les salafis ont le suivi de al-kitab wa sunnah wa fahmi salafis salih. Ces ikhwani inventent une nouvelle étiquette pour relancer leur combat essoufflé contre la salafia, et cette étiquette est al-harfiya, le littéralisme qu'ils méritent eux, c'est eux qui méritent ce littéralisme, c'est eux qui sont harfi, et la partie du vers de poésie ou le proverbe très répandu donc dans le monde arabe, ramatni bida'iha wa ansallat, s'applique à ce genre de situation. Or, il est évident que ces Ikhwani combattent comme ils l'ont toujours fait. Ils sont en train de combattre le suivi, l'ittiba, qu'ils sont en train de qualifier maintenant de al-harfiya. Ils combattent le suivi, l'ittiba, vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme avait dit Cheikh Mohammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah, il avait dit que l'Ikhwan avait coupé tout genre de relation avec le prophète, avec le messager, et ils ont renoué avec Hassan al-Banna. Ils combattent le suivi, l'ittiba, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, qu'ils taxent dorénavant de al-harfiyya, le littéralisme. Et l'un d'eux, le dénommé Mohammed Wazrafil, taxait même le noble compagnon Abdullah ibn Omar. Il avait taxé ce compagnon de al-harfiyya. Wallahu al-musta'an. Ce grand compagnon, ce noble compagnon, radiallahu anhu, Mohammed Wazrafil vient maintenant le taxer de al-harfiyya. Allahu al-musta'an. Après cette introduction, nous passons maintenant à examiner la harfiya ou le littéralisme de Tariq Ramadan dans son mimétisme de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb dans l'excès de soufisme. Hassan al-Banna qualifiait sa voix hizbi d'être, je cite, « haqiqatun soufiya ». Hassan al-Banna avait taxé et avait baptisé sa voix ikhwaniya et il l'avait qualifié, je cite, de haqiqatun soufiya. Haqiqatun soufiya, c'est un terme qui est lourd et on va voir ce qu'il signifie vraiment. Il avait dit haqiqatun soufiya, une vérité soufie. Et Sayyid Qutb déclina sa aqida de wahdat al-wujud, l'unité d'existence, dans son livre de Al-Dhalal, le livre de Al-Dhalal, son livre Al-Dhalal, c'est là où il avait décliné sa aqida d'unité d'existence parmi d'autres aqaïd corrompus qu'il avait. Donc il avait décliné cela lorsqu'il était en train de parler de la sourate de Al-Hadid, le fer. Et lorsqu'il parlait aussi de la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, de grands savants comme l'imam Al-Albani et l'imam Al-Uthaymin, rahimahumullah, ont déclaré que les propos de Sayyid Qutb sont bel et bien ceux de Wahdat al-Wujud. Tariq Ramadan reste harfi, fidèle à ses égarements de ses prédécesseurs Al-Banna et Qutb. Il appelle au soufisme excessif. Il enseigne Wahdat al-Wujud, l'unité d'existence, et il enseigne aussi une autre croyance non moins corrompue et non moins kufri, al-aqid al-kufriya de al-hulul wal-ittihad. Écoutons des exemples où il y a la preuve de ce que nous venons d'affirmer. Donc ne réduis pas, à partir de mon expression sans doute maladroite, ma critique d'un certain type de soufisme vis-à-vis de la critique de ce que je défends contre les salafis partout où je vais, qui disent que le soufisme est une création de l'étranger et de l'extérieur. Je dis que ça n'est pas vrai. Le soufisme authentique est le cœur de l'islam. Donc ne réduis pas, à partir de mon expression sans doute maladroite, ma critique d'un certain type de soufisme vis-à-vis de la critique de ce que je défends contre les salafis partout où je vais, qui disent que le soufisme est une création de l'étranger et de l'extérieur. Je dis que ça n'est pas vrai. Le soufisme authentique est le cœur de l'islam. Et afin de montrer l'injustice que renferment ces paroles, ainsi que d'autres propos que nous allons publier de Tariq Ramadan ici dans cet audio, nous traduisons certaines remarques de quelques savants montrant la bid'a de As-Sufiyya dans sa réalité, montrant à nu As-Sufiyya, montrant la bid'a de As-Sufiyya, ainsi que la croyance de Wahdat al-Wujud et celle de Al-Hulul wal-Ittihad. Pour ce, nous nous référons notamment à deux conférences remarquables. La première est de Cheikh Docteur Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, intitulée Haqiqatu al-Sufiyya, la réalité sur le soufisme. Et la deuxième conférence est du Cheikh Docteur Mohammed Aman bin Ali al-Jami, rahimahullah, intitulée At-Tasawwuf min Suwar al-Jahiliyya, le soufisme, une forme de la Jahiliyya, c'est c'est-à-dire une forme de l'ère pré-islamique. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, rappelle que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, note dans son majmour de Al-Fatawa, au volume 11, aux pages 5, 7, 16 et 18, que le terme même de As-Sufiyya, le soufisme, n'était pas connu pendant les trois premiers siècles, Al-Qurun al-Khayriya, et qu'il n'est devenu courant que plus tard, que le soufisme est apparu au départ à Al-Basra, à Bassora, en Irak, et que le premier à avoir édifié un lieu d'adoration soufi, de Wairat al-Sufiyya, était Abdelwahid ben Zayd, qui était parmi les amis de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Et quand Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, entendit parler de gens qui choisissent l'habit de laine et se font ressembler au Messie, fils de Marie, il rappela que suivre la manière de faire du prophète nous est préférable. Suivre la manière du prophète qui nous fut envoyé nous est préférable. Et que notre prophète s'habillait de coton et d'autres matières. Jusqu'à ce que Cheikh al-Islam, rahimahullah, souligna que ceci était le commencement du soufisme et qu'après, il avait pris des ramifications diverses. Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, rahimahullah, le Cheikh qui était assassiné par les chiites, qabbahahumullah. Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, rahimahullah, souligne qu'il y a un écart étanche entre les enseignements de Al-Qur'an et de la Sunna et entre ce qui se trouve dans les livres de As-Sufiyya. Il souligne qu'elle n'a pas de racines, ni de graines ou de semences dans la biographie, dans la sira du messager d'Allah, ni dans celle des compagnons nobles et pieux. Et au contraire, le soufisme s'inspire de l'ascétisme messianique, al-Rahban al-Masihiyya, de la manière Brahma des Indiens, du culte du judaïsme et du stoïcisme bouddhiste. Source de cette parole de Cheikh Ihsan Ilahi Zahir, At-Tasawwuf al-Mansha' wal-Masadir, page 28. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, montre que les soufis, surtout ceux qui sont proches de notre époque, al-Muta'akhirin, que les soufis ont une méthodologie dans l'adoration dans la religion, par laquelle ils s'écartent du livre et de la sunna. Et parmi les caractéristiques de leur adoration, il y a, voici le premier trait, que le cheikh relève. Nous allons voir un certain nombre de traits que le cheikh avait relevés rien que dans le volet de l'adoration, alors qu'il va dire à la fin de sa conférence qu'il y a d'autres volets qu'il n'a pas étudiés dans cette conférence, des volets relatifs à Tawhid et à la conception de la sharia et d'autres plans. Donc le premier trait relevé par Cheikh al-Fawzan relativement à l'aspect de l'adoration, c'est qu'il restreint l'adoration à l'amour, comme certains parmi eux avaient déclaré, je cite, « Je n'adore pas Allah par le désir de son paradis, ni de crainte de son feu, mais uniquement par son amour. » La a'budu Allah hubban fi jannatihi wa la khawfan min nari wa innama a'buduhu hubban lidatihi faqat. Ma sha Allah, subhanallah. Et ceci est exactement l'une des sottises proférées par Tariq Ramadan. Écoutons-la. Et cette dimension supérieure, vous avez peut-être entendu parler de Rabi'a al-Adawiyya, c'est une des mystiques femmes de la tradition musulmane, et qui disait une chose et qui relevait une chose qui était importante, c'est qu'en fait, au bout du compte, La finalité de l'action ne doit pas être pour nous « je fais le bien pour avoir le paradis, j'évite le mal pour éviter l'enfer ». Ça doit être beaucoup plus important que ça. Ça, c'est ce que Nawawi appelle « iman et tajir », c'est-à-dire la foi du commerçant. Et cette dimension supérieure, vous avez peut-être entendu parler de Rabi' al-Adawiyya, c'est une des mystiques femmes de la tradition musulmane, et qui disait une chose et qui relevait une chose qui était importante, c'est que, en fait, au bout du compte, la finalité de l'action ne doit pas être pour nous « je fais le bien pour avoir le paradis, j'évite le mal pour éviter l'enfer ». Ça doit être beaucoup plus important que ça. Ça, c'est ce que Nawawi appelle « iman et tajir », c'est-à-dire la foi du commerçant. Et cette dimension supérieure, vous avez peut-être entendu parler de Rabi' al-Adawiyya, c'est une des mystiques femmes de la tradition musulmane, et qui disait une chose et qui relevait une chose qui était importante, c'est que, en fait, au bout du compte, la finalité de l'action ne doit pas être pour nous « je fais le bien pour avoir le paradis, j'évite le mal pour éviter l'enfer ». Ça doit être beaucoup plus important que ça. Ça, c'est ce que Nawawi appelle « iman et tajir », c'est-à-dire la foi du commerçant, que vous trouvez dans un verset du Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim » Ô vous qui portez la foi, est-ce que je vais vous parler d'un commerce qui va vous sauver? Le commerce, qu'est-ce que c'est? C'est « fais le bien, respecte la règle et tu auras le paradis ». Et là, la dimension supérieure de ça, si vous êtes dans l'amour de Dieu, c'est pas de le faire pour le paradis, mais c'est de le faire pour son amour. Et c'est de le faire pour sa proximité. Allahumma matta'na bi-ru'yatika. Allahumma matta'na bi-ru'yati. Et ça veut dire quoi? Matta'na bi-ru'yati, ça veut dire, ô Dieu, donne-nous le privilège de ta vision. Pourquoi? Parce qu'un jour, le prophète, alayhi salam, voyant la lune, a dit, un jour, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez la lune. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous serez dans sa proximité. Moussa, alayhi salam, il veut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette vie, c'est pas possible. La montagne s'effondre. Mais l'expérience spirituelle, c'est quoi? C'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les traditions spirituelles, ce qu'elles essayent de faire, c'est par le souvenir d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, elles essayent d'être proches de la vérité. De la vérité par opposition aux ténèbres et à l'erreur. Le premier volet, c'est faire ce qui est juste, éviter ce qui est injuste. S'en tenir au licite, éviter l'illicite. On est d'accord? La législation, la loi. La spirituelle, c'est penser à l'objectif. Tout ça, c'est bien, mais comme moyen. C'est pas ça, la finalité. La finalité, ça, c'est un moyen qui me permet de rester dans la voie. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est la dimension de la connaissance d'Allah, ma'rifatullah, la proximité. Et ceci se fait dans la méditation de ces noms, ou al-Rahman, ou al-Rahim, ou al-Wadud, ou al-Karim, tous ces noms qu'on médite pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on comprenne l'objectif, et qu'on arrive à cette invocation du prophète, Allahumma matta'na bi-ru'yati ila wajhika al-Kalim. Wajhika al-Kalim, c'est-à-dire d'être en face de toi, de pouvoir vivre l'expérience de la proximité. Mais qu'est-ce qui veut dire ceci? C'est l'amour ultime. Donc je ne le fais pas par crainte du paradis, par crainte de l'enfer et par volonté du paradis, pas comme l'imam est tajil, c'est-à-dire le commerçant, mais avec quelque chose de supérieur, c'est la proximité de ton essence et dans ton amour. Et dans la connaissance de toi, dans la méditation de tes noms, dans la méditation de ton être, dans une dimension spirituelle qui est son amour. Maintenant, pour répondre à cette parole de Tariq Ramadan et des soufis, et Tariq Ramadan est un soufi, entre autres égarements qu'il a, nous disons que les salafs disaient que celui qui adore Allah uniquement par l'amour est zindiq, c'est-à-dire un hypocrite qui se joue de religion et qui veut subvertir la religion. Et il disait aussi que celui qui adore Allah uniquement par l'espoir est morji'i, c'est-à-dire qui fait sortir l'œuvre des composantes de la foi, et que celui qui l'adore par la peur seulement est haruri, c'est-à-dire khariji, alors que celui qui adore Allah par l'espoir, la crainte et l'amour est lui muwahhid, monothéiste et sunnite. Allah avait décrit ses messagers et prophètes comme étant des serviteurs qu'il adore par ses trois traits, c'est-à-dire par Al-Hub, Al-Khawf wa Raja, par l'amour, la crainte et l'espoir. Allah dit dans son noble livre, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَهَبًا وَرَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Traduction rapprochée du sens de ce verset, ils concouraient au bien et ils nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. Sourate les prophètes, verset 90. Et Allah Azza wa Jalla dit: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Sourate As-Sajda, verset numéro 16. Traduction du sens de ce verset. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer le Seigneur par crainte et par espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Donc la sourate, la prosternation, verset numéro 16. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Traduction rapprochée du sens de ce verset: ceux qu'ils invoquent eux-mêmes cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Le voyage nocturne, verset 57. Et Allah avait fait descendre le verset qui fut caractérisé par Al-Hasan al-Basri comme étant le verset de l'épreuve, Ayatul Mihna, Ayatul Imtihan. Allah Ta'ala avait dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Traduction rapprochée du sens du verset: dit, c'est-à-dire ô Mohammed, dit: si vous aimiez Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur, miséricordieux. Sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 31. Et le deuxième trait relevé par Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit que souvent, ils ne retournent pas au livre et à la sunna, mais plutôt ils reviennent à ce qu'ils appellent Al-Adwaq. Ils retournent à Adwaqihim. Ils retournent à ce qu'ils appellent Adwaq, leur goût. Ainsi, qu'à ce que leur dessine leur maître soufi, comme voix inventée, comme awred et adhkar innové. Et parfois, ils argumentent par des anecdotes, leurs arguments sont des anecdotes, des rêves et des hadiths inventés. Chaque groupe parmi eux a un cheikh de At-Tariqa, un cheikh de la voix, qui les éloigne de At-Tariq al-Mustaqim, qui les éloigne de la bonne voie. Personne n'a le droit d'objecter au cheikh quoi que ce soit, et certains de leurs chouyours peuvent prétendre recevoir des commandements directement d'Allah, comme avait fait le super imposteur Ahmed al-Tijani. Et le troisième trait relevé par Cheikh al-Fawzan dans l'aspect de Al-Ibadah des soufis, ils se font assigner des adhkars, des invocations et des awreds, c'est-à-dire une suite d'invocations à faire. Et les soufis appellent le dhikr révélé dans Al-Qur'an et dans la sunna. Ils appellent ce genre de dhikr qui est révélé, ils appellent ce genre de dhikr dhikr al-amma, une invocation de la masse, alors que ils disposent de dhikr al-khassa, l'invocation de l'élite qu'ils sont, les soufis, dhikr al-khassa, à savoir d'invoquer le Seigneur par un seul mot, et qui est Allah, en répétant Allah, Allah, Wallahu al-musta'an. de répéter le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'invocation chez eux. Et ils se vantent davantage de dhikr khassatil khassa, le dhikr de l'élite de l'élite, de la quintessence, de l'élite de l'élite, hein, et qui consiste à invoquer Allah par le seul pronom huwa, hu, c'est-à-dire ce qui équivaut à il dans le français. Donc il invoque Allah par hu, hein, par il. Hein, je ne sais pas si donc les soufis français vont invoquer Allah par il et non pas par hu, par il, en répétant ce il d'une manière insensée. Note du traducteur. Et après ces folies insupportables, Tariq Ramadan, Mohamed Bajrafil, Hassan Iqiyoussan et Islam Ben Ahmed viennent soutenir que la bid'a de At-Tasawwuf fait partie de l'islam. Et certains parmi eux sont à même de soutenir que cette bid'a du sophisme serait le cœur même de l'islam. Fin de cette remarque. Le quatrième trait relevé par Cheikh Fawzan Hafidhullah est leur fanatisme pour les chouyoukhs et pour les awliyas, pour les alliés, contrairement à la croyance des gens de la sunna et du groupe. Or, en fait, tout croyant pieux est un allié d'Allah Azza wa Jal, et il n'est pas pour autant infaillible. Allah dit dans son noble livre: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Voici les conditions de al-walaya, les conditions de al-wali. Amanu wa kanu yattaqun. C'est-à-dire deux conditions. Si on a ces deux conditions, tout croyant est un wali d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi donc rehausser ces personnes et en arriver à ce genre de fanatisme et à les adorer, comme on va voir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Al-ayah. Certes, les alliés d'Allah n'ont pas de quoi avoir peur ni de quoi s'affliger, ceux ayant cru et qui étaient pieux. Voici les deux conditions, la croyance et la piété. Ibn Arabi, l'un des maîtres soufis ayant atteint le stade de la mécréance, Ibn Arabi disait: Maqam an-nubuwwati fi barzakhin fawqa ar-rasul wa duna al-wali. Voilà où il leur enseigne le fanatisme pour al-wali, pour al-walaya et pour al-wali. مقام النبوءة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. Le statut de la prophétie est dans un lieu intermédiaire au-dessus du messager et au-dessous de l'allié, al-wali. Ainsi Ibn Arabi inverse-t-il l'ordre en prétendant que al-wali serait meilleur que le messager et que le prophète. Wallahu al-musta'an. Or, les savants de l'islam, les véritables alliés d'Allah, sont d'accord qu'on ne prête pas d'intérêt à celui qui vole même dans l'air ou à celui qui marche sur l'eau en pleine mer. On ne lui prête aucun intérêt et on ne dit pas que c'est un wali s'il ne réalise pas cette condition que ces néo-ikhwani viennent combattre maintenant. Soudés dehors de combattre les salafis alors qu'ils sont en train de combattre le suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Donc les savants de l'islam sont unanimes pour dire que celui qui vole en l'air et celui qui marche sur l'eau, on ne lui prête pas d'attention, on ne dit pas que c'est un wali avant de voir son suivi de la sunna. Le suivi est le critère déterminant avant de prêter foi à toute forme de walaya, alors que ces ikhwaniyin se moquent à présent du suivi et ils le qualifient de al-harfiya, le littéralisme, sous-entendre que eux ils sont éclairés, ils sont illuminés, sont éclairés, ils pensent, ce sont des penseurs, alors que ce sont des ignorants qui combattent la voie de vérité, la voie salafie. Et cette effronterie nouvelle chez ces Ikhwani vient du mal dont ils souffrent et qui est l'ignorance de la sunna et leur passion déchaînée pour Al-Bida'. Fin de la note du traducteur. Le cinquième trait relevé par Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah, c'est que les soufis font des chansons et de la danse, des œuvres de piété. يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْغِنَاءِ وَبِالْرَقْصِ. Ils font entrer Al-Ghina et la danse. Al-Ghina, la chanson, et Al-Raqs, la danse. Ils font entrer cela dans l'adoration. Ainsi que le fait de frapper au doufouf, qui ressemble au tambour. Ainsi que le fait de frapper au doufouf et le fait d'applaudir. De ce fait, il mérite bien la menace qui est inclue dans ce verset. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سورة الأعراف الآية 51. Ceux ayant pris leur religion pour un amusement et un jeu. Et le sixième trait relevé par Cheikh Al-Fawzan, c'est que certains soufis prétendent déroger à toutes les obligations légiférées sous prétexte d'avoir atteint un stade très élevé. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah considère que ce type de soufi est pire que les gens du livre ayant cru en une partie du message et ayant délaissé une autre partie. Donc Cheikh Al-Islam considère que ces gens, ils sont pires que Al-Kitab qui se sont comportés ainsi. Car ces soufis extrêmes délaissent toutes les obligations. Nous passons maintenant à quelques remarques tirées de la conférence de Cheikh Al-Jami, rahimahullah. Il note, rahimahullah, que chez les soufis, il y a lieu de distinguer entre un al-sharia, la législation ou la religion révélée à laquelle s'attache la masse. Et deuxièmement, il y a al-haqiqa, la vérité à laquelle s'attachent les soufis. La vérité, c'est ce que donc dans beaucoup de conférences de ce qu'ils appellent conférences de toute façon, la mushahata fil alfad, alors que ce ne sont pas des conférences, ce sont des bavardages. Ce que donc Tariq Ramadan titre parfois spiritualité, et lorsqu'il parle de ces sujets, c'est toujours il parle de ce relou dans le soufisme. Le deuxième aspect donc, c'est al-haqiqa. Donc pour les soufis, al-sharia, c'est pour la masse, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour la masse des musulmans, alors que al-haqiqa, c'est pour eux, c'est pour les soufis. Al-haqiqa, al-haqiqa, ils suivent la haqiqa huma. Cette séparation est l'une de leurs innovations, et c'est une prétention renfermant de la mécréance. C'est une prétention, cette subdivision, elle renferme de la mécréance, comme on va voir. D'abord, en qualifiant la charia comme objet de la masse de Al-Awam, en rabaissant la charia. Le rabaissement de la charia est un acte de kufr. En rabaissant la charia, ils commettent cet acte de mécréance déjà. D'abord, en qualifiant la charia comme étant destinée à la masse, à Al-Awam, et ensuite, surtout en prétendant que des gens, les maîtres soufis surtout, seraient dispensés de suivre, c'est-à-dire le suivi dont on parlait tout à l'heure, seraient dispensés de suivre la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a lieu maintenant de peser la prétention de Hassan al-Banna lorsqu'il qualifiait sa bid'a ikhwaniya d'être, je cite, « haqiqatun soufiya ». Haqiqatun soufiya. Il convient de mesurer la gravité de cette prétention dans la balance de cette distinction soufi entre sharia et haqiqa. Haqiqa. Ah, donc, Al-Banna était en train de parler de cette subdivision. Haqiqatun soufiya. Cheikh Al-Jami, rahimahullah, relève aussi que le soufisme est un fil dégagé du chiisme. C'est un produit, c'est un élan de chiisme. Le soufi Ibn Ajiba, voici la preuve. Le soufi Ibn Ajiba, qui est l'un des grands soufis, Le soufi Ibn Ajiba soutient que Gabriel, Jibril alayhi salam, que Gabriel aurait amené à Sharia, et lorsqu'elle s'est implantée et donc comprise et assimilée, ensuite il amena al-haqiqa. Et il prétend, iyadan billah, il prétend cette prétention au sujet du messager d'Allah Azza wa Jal, ce Ibn Ajiba, voici ce qu'il va dire, que Muhammad alayhi salatu salam aurait confié celle-ci, c'est-à-dire al-haqiqa, à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui à son tour l'a transmis à al-Hassan al-Basri. Allah dit, ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Ô messager, transmets ce qui te fut descendu de ton Seigneur, sinon tu n'aurais pas transmis son message. Et Muslim rahimahullah rapporte dans son authentique, d'après le hadith de Abi Tufayl, Amir ibn Wathila, qui dit, j'étais chez Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, quand un homme vint et lui demanda, il demanda à Ali, qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, te confiait en particulier? Qu'est-ce que le prophète te confiait en particulier? Alors Ali s'était mis en colère et déclara, le prophète ne me confiait rien en particulier et qu'il ne divulguait aux gens. Il ne lui confiait rien sans le divulguer aux gens. Mais il me transmit ce hadith où il y a quatre paroles. Allah avait maudit celui qui maudit ses parents. Allah avait maudit celui qui immole pour un autre qu'Allah. Allah avait maudit celui qui abrite un innovateur. Et Allah avait maudit celui qui modifie les frontières des terrains. Fin de la traduction du sens approximatif de ce hadith. Et avec le temps, la bid'a soufi devient de plus en plus complexe et plus en plus kofri pour atteindre les stades de Wahdat al-Wujud et de Al-Hulul et Al-Ittihad. Ibn al-Farid, par exemple, dit dans son poème At-Ta'iyya, « وَلَوْلَايَ لَمْ يُوجَدْ وُجُودٌ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَلَمْ تُعْهَدْ عُهُودٌ بِذِمَّتِي وَلَا حَيٌّ إِلَّا مِنْ حَيَاتِي حَيَاتُهُ وَطَوْعُ مُرَادِي كُلُّ نَفْسٍ مُرِيدَةٍ. Traduction de cette parole pleine de coufriettes. S'il n'était moi, il n'y aurait aucune existence, ni témoin, ni contrat. Il n'y a nul vivant qui ne tire sa vie de la mienne, et toute âme qui veut est soumise à ma volonté. Et souvenez-vous que Tariq Ramadan disait du soufisme qu'il est le cœur de l'islam. Souvenez-vous avec ces paroles que nous sommes en train de traduire de Ibn al-Farid et ce que nous avons traduit déjà et ce que nous allons voir avec Al-Hallaj et avec Ibn Arabi. Souvenez-vous que Tariq Ramadan disait que le soufisme est le cœur de l'islam. Ainsi que les autres, ils le défendent. Ils défendent le soufisme avec acharnement, les autres qu'on a cités tout à l'heure. Souvenez-vous qu'ils disent que le soufisme fait partie de l'islam. Et regardez cette parole, par exemple, de Ibn al-Farid. Voici le soufisme. Voici le soufisme. C'est ça le soufisme. Et vous dites que ça fait partie de l'islam. Et Al-Hallaj, qui fut jugé kafir et fut exécuté, walillahil hamd. Et soit dit en passant que quelqu'un comme le Ash'arit, égareur, Islam ben Ahmed, consacre un cours entier pour défendre Al-Hallaj, pour défendre le zindiq Al-Hallaj. Wallah al-Musta'an. Al-Hallaj déclare sa mécréance de Al-Hulul wal-Ittihad dans ses vers par exemple. Il a beaucoup de vers de kufr. Voici un exemple. Il avait dit « Ana man ahwa, wa man ahwa ana, nahnu ruhani halalna badana. » فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. Je suis celui que j'adore, et celui que j'adore est moi. Nous sommes deux âmes ayant habité un corps. Si tu me vois, tu le verras aussi. Et si tu le vois, tu nous verras ensemble. Écoutons Tariq Ramadan prêcher Al-Hulul et Al-Ittihad. La spiritualité qu'on trouve en arabe comme étant le mot qui réfère à Rouhaniya, c'est-à-dire qui vient de Rouh, entretenir l'esprit à l'intérieur de soi, mais aussi une notion qu'on trouve dans le Coran qui est Rabbani, c'est-à-dire quelqu'un qui est empli de la présence des Rabb, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est dit dans le Coran, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Soyez des êtres remplis de Dieu par le fait que vous enseignez le livre et par le fait que vous l'étudiez. Cette notion de spiritualité, nous l'avons souvent très très mal comprise. Quant à Ibn Arabi al-Ta'i, Ibn Arabi al-Nakira, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le savant Malikite, le grand muhaddith Ibn al-Arabi qui est un savant. Maintenant nous parlons de Ibn Arabi al-Ta'i, le zindiq. Le zindiq Ibn Arabi al-Ta'i, qui soutient la mécréance de Wahdat al-Wujud, l'unité d'existence. Il dit par exemple, Al-Abdu Rabbun. والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك نقص أو قلت رب فأنا يكلف. Traduction de cette parole pleine de kufr. Le serviteur est un seigneur et le seigneur est un serviteur. Je jure par ma poésie auquel des deux se font les obligations. Si tu dis abd, serviteur, ceci est faiblesse. Et si tu dis Rabb, Seigneur, comment l'obligation se dirige alors vers lui? Écoutons maintenant Tariq Ramadan enseigner Wahdat al-Wujud, l'unité d'existence. Là, on a le principe premier, fondamental du tawhid. Allahu la ilaha illahu. C'est-à-dire ce que nous devons comprendre comme un principe spirituel, comme un principe intellectuel. Vider son cœur de tout ce qui n'est pas lui, c'est comprendre par notre intelligence qu'il n'y a que lui et qu'il est l'être au-delà de tout ce qui est. Premier principe donc, le principe du tawhid. Raison pour laquelle toute formation, quelle qu'elle soit, dans quelque spécialisation que cela soit, doit commencer dans la conscience musulmane par l'approche du tawhid. Allahu la ilaha illahu. Et beaucoup de maîtres soufis ont des paroles similaires à ce que nous avons vu avec Ibn Farid et Ibn Arabi et Al-Hallaj et Ibn Sab'in et Ibn Ajiba et d'autres. Ils ont des paroles similaires à ce que nous avons vu. Et beaucoup de soufis soutiennent ces anadiqas. Les soufis que nous connaissons dans la vie commune, ils soutiennent ces Ibn Arabi et Ibn Sab'in et Al-Hallaj et les autres. Et beaucoup de soufis soutiennent ces anadiqas, ces apostats, ces mécréants. Comme tout à l'heure, on a vu que Islam Ibn Ahmed n'a pas honte de consacrer un cours entier qu'il intitule « À la défense de Al-Hallaj ». Note du traducteur, au Maroc par exemple, un certain Abd Salam Yassin, un khariji harouri, fondateur d'un groupe khariji sur le canon de Al-Ikhwan Al-Muslimoun, et qu'il baptisa Jama'at al-Adl wal-Ihsan, Firqat al-Adl wal-Ihsan en fait. Justice et bienfaisance. Le groupe Justice et bienfaisance. Ce soufi khariji soutenait Ibn Arabi al-Ta'i et il le qualifiait de Al-Sheikh al-Akbar, alors que les savants de l'islam, Il y en a parmi eux qui avaient qualifié ce Ibn Arabi d'être Al-Sheikh Al-Akfar, parmi les soufis. Al-Sheikh Al-Akfar. Le mutasawwif, c'est-à-dire celui qui rentre dans le cycle de la bid'a de At-Tasawwuf. Le mutasawwif s'appelle d'abord Derwish. Celui-ci, c'est-à-dire le Derwish, doit se montrer docile et servile envers le maître afin d'atteindre le degré de Mourid, afin d'être gradé, afin d'atteindre le stade de Mourid, en vertu duquel il sera perçu comme un être humain ayant quelque valeur. Enfin, il sera considéré comme un être humain lorsqu'il atteint le stade de Mourid. Après quoi, le Mourid s'efforce de rallier le degré de Khalifa, c'est-à-dire que le Cheikh sera tellement satisfait de lui et il lui fait confiance en le désignant pour faire la da'wa, pour propager la bid'a de la tariqa, pour faire la da'wa dans une campagne ou une ville voisine. C'est comme d'ouvrir un nouveau siège pour propager la tariqa soufia. Et les soufis arrivent deuxième, après les chiites imbattables depuis des siècles déjà, sur le terrain du mensonge et de la vilainie. Des maîtres soufis prétendent recevoir le commandement direct d'Allah Azza wa Jal. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Des maîtres soufis prétendent recevoir le commandement direct d'Allah, comme nous l'avons déjà mentionné. Le grand imposteur Ahmed At-Tijani, par exemple, prétend que la vérité de Al-Qutbaniyah, qui vient de Qutb, Al-Qutb, dans la terminologie soufie, donne Al-Qutbaniyah. Al-Qutbaniyah. La vérité de Al-Qutbaniyah, donc nous traduisons une parole de At-Tijani, la vérité de Al-Qutbaniyah, et nous expliquerons par la suite ce que veut dire le terme Al-Qutb chez les soufis. La vérité de Al-Qutbaniyah est la khilafa suprême. Voilà ce que dit At-Tijani, Al-Mujrim At-Tijani, Al-Jani At-Tijani. Al-Qutbaniyah, la vérité de Al-Qutbaniyah est la khilafa suprême, le califat global suprême, comme délégation par rapport à Allah, afin de disposer de tout atome, de cette existence. Il dispose de tout atome de cette existence. Fin de la citation. J'ouvre ici une parenthèse pour demander l'avis de Tariq Ramadan sur cette prétention de At-Tijani, et que je considère, pour moi, je considère que cette prétention comme étant comme relevant de Al-Kufr. Est-ce que Tariq Ramadan considère encore le sophisme comme étant le cœur de l'islam, avec ses croyances de mécréance qu'il renferme le sophisme? Est-ce qu'il considère encore le sophisme comme étant le cœur de l'islam? Et je demande aussi à Mohamed Bejrafil ce qu'il pense de cette khilafa udma, de cette khilafa al-Qutbaniyah, de cette khilafa udma soufi. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, Bejrafil, qui est contraire à la notion de al-khilafa ala minhaj al-nubuwa? Qu'est-ce qu'il pense de cette khilafa udma? Il combat la khilafa selon la voie prophétique, de laquelle le messager d'Allah avait fait la bonne annonce. Fin de notre remarque. Et bien sûr, les soufis promettent à leurs derwish et à leurs mouridines le paradis, moyennant ou bien en contrepartie de leur service ici-bas, الخدمة التي يقدمونها ويتفانون فيها, service qui ressemble par beaucoup de traits à de l'adoration, et beaucoup d'entre eux rentrent sous ces versets lorsque Allah عز وجل dit أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله استفهام إنكاري هنا. Ont-ils des partenaires avec Allah qui légifèrent pour eux en religion ce qu'Allah n'a pas permis. Surat At-Tawbah, ce verset est extrait de Surat Ash-Shura, et nous allons voir maintenant un verset de la Surat de At-Tawbah. Allah Azza wa Jalla dit dans son noble livre: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils avaient pris leur rabbin, leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Fin de la traduction du sens rapproché des versets. Les soufis comparent Allah à un roi, mais qui a besoin des auxiliaires. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Les soufis comparent Allah à un roi, mais qui a besoin des auxiliaires. Et les auxiliaires, qui sont-ils? Ce sont les maîtres soufis. Les maîtres soufis, ils prétendent qu'ils auraient besoin de ces auxiliaires. Pourquoi? Pour lui transmettre les œuvres des créatures. Al-Khidmat, les œuvres des créatures. Al-Khidma, Al-Wadifa, que font Al-Muridin ou Al-Darawish, Al-Masakin. Ils promettent aux derwish et aux mourides l'accès au paradis, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Ya Fatima bint Muhammad, i'mali fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima bint Muhammad, œuvre, car je ne serai d'aucun secours pour toi envers Allah. Et les soi-disant auxiliaires se partagent les rôles comme suit. Voilà ce que nous apprend Cheikh Al-Jami, rahimahullah. Ils se partagent les rôles comme suit. Un, en premier ordre, vient le titre de Al-Ghawth, ou bien Al-Ghawth Al-A'zam. Poste qui ne se doit que pour une seule personne. Il fut disputé par Ibn Arabi et par At-Tijani, alors que Al-Qadiriya aussi le revendique pour le savant sunnite Abdel Qadir Al-Jilani, qui lui était un savant de l'islam, mais les ignorants avaient fait de lui un symbole soufi après sa mort, rahimahullah ta'ala. Les soufis prétendent que c'est Al-Ghawth qui secourt les créatures. Wahada kufr. Le deuxième titre que nous apprend Cheikh Al-Jami, rahimallah, c'est le titre de Al-Qutb. Voilà maintenant la signification de Al-Qutb. Al-Aqtab sont en nombre de sept. Ils sont en nombre de sept. Ils sont tous sous la tutelle de Al-Ghawth. De Al-Ghawth qui vient de passer. Ils vaquent aux besoins des créatures avec la permission de Al-Ghawth Al-A'zam. La fonction de Al-Aqtab, c'est de s'occuper des besoins des créatures avec la permission, bien sûr, de Al-Ghawth. Le troisième titre est celui de Al-Watad. Al-Awtad sont en nombre de trois ou quatre. S'ils viennent à mourir tous, la terre serait corrompue. Quatrièmement, le titre de Al-Abdal. Ils sont en nombre de 40, distribués entre l'Irak et le Cham. Cinquièmement, Al-Nujaba. Ils sont en deçà de Al-Abdal. Leur nombre s'élève à 70 et leur siège se trouve exclusivement en Égypte. Et leur fonction est de porter les charges des péchés que leurs serviteurs commettent. Ils portent les charges des péchés que les serviteurs commettent. Et la notion de bon, de rachat, n'est pas étrangère pour le soufisme. Sixièmement et en dernier lieu, arrive An-Nuqaba. Ils sont en nombre de 300. Et il a été dit aussi qu'ils sont plutôt 500. Et leur fonction est d'extraire les richesses de la terre. Ceci est le royaume, nous disons, imaginaire de As-Sofiyya. Ceci est le royaume imaginaire de As-Sofiyya. Bien sûr, le terme imaginaire vient de moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Bajrafil, ce que pense Bajrafil de ce royaume fictif de ses frères soufis, alors que lui, il s'acharne à attaquer la notion de Al-Khilafa à la Minhaj al-Nubuwa. Ceci dit, les Salafis n'appellent pas à Al-Khilafa, alors que les Ikhwan Muflisun, autres frères de Bajrafil, comme ils sont les frères des autres Hizbi, comme Tariq Ramadan, Rachid Abu Huzaifa, Hassan Iqyusan et les autres, donc les Ikhwan, qui sont les frères de ces gens, les Ikhwan appellent à Al-Khilafa. Ils ne font qu'appeler à Al-Khilafa, alors que les Salafis appellent à Al-Tawhid. Les Ikhwan appellent à Al-Khilafa, alors qu'ils n'œuvrent pas, les Ikhwan n'œuvrent pas pour la condition de Al-Khilafa. Les Salafis suivent la da'wa du messager d'Allah Azza wa Jal. Ils suivent le sentier tracé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent au tawhid et combattent le shirk sous toutes ses formes, et entre autres la forme qui est le soufisme, al-jahiliya al-soufiya, comme avait dit le sheikh al-jami, al-wathaniya al-soufiya et al-jahiliya al-soufiya, et que le soufisme fait partie des formes de al-jahiliya. De ce fait, les salafis préparent l'avènement de la véritable khilafa, non pas celle imaginaire des soufis. Et les soufis ont aussi un conseil, et qui est pour nous imaginaire aussi. Pour nous, ce conseil doit être imaginaire, parce que vous allez voir la description de ce conseil, de ce diwan. Mais eux, ils prétendent qu'ils le tiennent effectivement. Où est-ce qu'ils le tiennent? Ils le tiennent à Ghar Hira, la grotte de Hira. Ghar Hira. Le président de ce conseil, de ce diwan, est bien sûr, et évidemment, Al-Ghawth Al-Azam. C'est celui qui préside à ce conseil. Les morts et les vivants assistent à cette assemblée, à condition d'être parmi les alliés, parmi l'Auliya. Parfois des anges aussi y sont présents, ainsi que des prophètes, et bien sûr les membres de Ahlul Bayt, la famille du prophète. Et nous avons dit que le soufisme s'apparente au chiisme. Al-Darwish ou Al-Murid n'ont pas à demander comment la grotte peut-elle contenir tout ce monde. Al-Darwish ou Al-Murid ne se posent pas ce genre de questions. L'ordre du jour de ce conseil est toujours de statuer sur le destin d'Allah. Al-Ghawth, assisté par Al-Aqtab, revoit les décrets relatifs aux pourvoyances, relatifs à Al-Arzaq, relatifs aux vies, Al-Ajal, voire relatifs aux pensées intérieures des gens, Al-Khatarat, de sorte que rien ne saurait advenir dans ce monde sans l'aval des Aqtab. Souvenez-vous des vers de tout à l'heure de Ibn Farid. Donc, de sorte que rien ne saurait advenir dans ce monde sans l'aval des Aqtab. De sorte que ces tawarid soufis n'ont rien délaissé à la seigneurie d'Allah, à Ar-Rububiyya d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. De sorte que seul un ignare ou un sot oserait soutenir que ce soufisme croise l'islam quelque part, et moins encore soutenir que le soufisme serait le cœur de l'islam. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Quelle parole outrancière que celle qui sort de leur bouche, ils ne disent que mensonge. Au terme de cet épisode, nous renvoyons toujours au site de notre frère Abu Hamad Suleyman Al-Haïti pour plus de clarté sur le statut de cet individu, Tariq Ramadan, et nous rappelons que nous ne faisons que relever certains exemples de ces nombreux écarts et égarements par rapport à la voie droite du livre, de la sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, les salafs. Et nous allons continuer cette critique, incha'Allah ta'ala, car il y a d'autres points sur lesquels il ne convient pas de se taire, tels que ce qui relève de sa confusion, de la confusion de Tariq Ramadan sur la question de Al-Qadr, de son ignorance aussi dans la de la voie correcte à suivre, son ignorance de la méthodologie de As-Salaf, son ignorance de Manhaj Ahl-Sunnah wal-Jama'a, de la Salafiyya, et ses positions lâches face aux idéologies des kuffars aussi, c'est un autre point. Ses positions lâches face aux idéologies des kuffars telles que l'idéologie de la laïcité et l'idéologie de l'athéisme et l'idéologie de la démocratie qu'il appelle de ses voeux, etc., etc., de ses sottises. Ainsi que le plan de sa voix ikhwani, sa voix ikhwani, qui est la voix de Al-Khawarij, qui consiste toujours à se rebeller vis-à-vis des gouverneurs arabo-musulmans, pour le compte de qui on doit se poser la question. Et il incite ainsi aux troubles en terre d'islam. Ainsi que ce qui relève de son opposition à la charia, aussi ça c'est un grand point important qu'il faut soulever. Son opposition à la charia d'Allah Azza wa Jal, il s'oppose à l'application de la charia. Il encourage ainsi, qu'il le veuille ou non, il encourage à la fornication, et il encourage à l'adultère, et il combat la pudeur, et il combat les peines justes qu'Allah ordonna dans son noble livre et que le messager sallallahu alayhi wa sallam a institué avec la révélation d'Allah Azza wa Jal, ainsi que d'autres exemples d'égarement de Tariq Ramadan sur les questions de Al-I'tiqad, de l'adoration, du comportement, de la da'wa. Wallahu al-musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.